La concierge. Прослушайте текст и перечислите жильцов, с которыми беседует консьержка. Le rôle de la concierge est de garder l'immeuble, mais en réalité, elle ne fait rien ou presque. Elle est madame la concierge et c'est tout. Elle a une petite chambre avec une petite cuisine près de la porte d'entrée. De là, elle peut voir qui entre dans l'immeuble et qui en sort. Madame Caron sort de l'immeuble. Elle est pressée. Bonjour madame Caron. C'est vrai que vous avez une nouvelle machine à laver? Un jeune homme entre dans le couloir. Vous voulez voir monsieur Jean-Pierre? Eh bien, il n'est pas là. Il est chez sa tante, à Passy. Il va la voir tous les jours. Elle vient d'avoir 95 ans et elle a des rhumatismes. Elle ne peut plus marcher. Le fils des moineaux rentre à 11h du soir. Eh bien, monsieur, regardez l'heure. Bientôt minuit. Ce n'est pas bien, ça. Votre père ne va pas aimer ça. À cette heure-là, les jeunes gens comme vous sont au lit. Le matin, le facteur arrive et la concierge passe un quart d'heure à lire toutes les cartes postales. Elle ne lit pas souvent de livres. Mais les cartes postales, elle les lit tous les jours. Bonjour mademoiselle Pinault. Voilà une lettre de votre ami anglais. Il a une bien jolie écriture pour un homme. Il vous écrit bien souvent. Il n'a rien à faire, il ne travaille pas. La concierge pose trop de questions. Mais tout le monde est aimable avec elle, parce que quand elle n'aime pas quelqu'un, elle peut être très désagréable. Et puis on aime bien parler avec elle aussi, parce qu'on peut toujours apprendre des choses intéressantes sur les autres.